que je te reverrai. Tant d'années ont passé, je vois que tu n'as pas changé. Ouais, pas t'es qu'à s'y poser. Mentez qu'elle y parle pas. Mentez même oublié. Ça mentez qu'à y poucher. Ou en seul coup t'y a fait moins craquer. Tcha tcha tcha tcha tcha. Mentez qu'elle ait résisté. Tcha tcha tcha tcha tcha. Mais l'amour a été douce. Tcha tcha tcha tcha tcha. Mais nous pas t'es qu'à jouer. Si nous t'es pendant pour nous t'es parlé. Sim.